l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. Passez une bonne soirée, bienvenue pour le Planète Rap avec Tunisiano. Ça va mon Fredo ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais, comment ça va? Bah écoute, en pleine forme, moi bah je suis ouais, bien. Ça se passe depuis hier, donc j'espère que t'as écouté l'album, tu t'es buté avec toute la soirée. Tu sais que vendredi on a quand même fait une nocturne ensemble. Ouais, je sais, mais je l'avais déjà récupéré cet album. Ah, ça veut dire tout le week-end t'as écouté l'album mais et après week-end. Même. Et même aujourd'hui. Ça et même dire aujourd'hui. Ce soir, dans le freestyle, tu me fais mes bacs. Bah moi je peux baquer. Tu me dis on y va, je suis bouillant pour baquer. Tout dépend du live. Ouais, t'inquiète, on va faire ça bien. En plus, ce soir-là, il y a une belle surprise. J'ai cru pas venu tout seul. Qu'il y avait. Oh là, il est en train d'ouvrir la porte. Voilà, ce soir, il y a une belle surprise. Je suis pas venu tout seul, donc avant même de l'annoncer, je pense que je vais essayer. Je veux juste vous poser la question, savoir si vous savez c'est qui est parmi nous ce soir. Là, hésitez pas à lâcher vos messages. Hein. C'est la même chose qu'hier. En fait, c'est slash ou arrobase. Arrobase. Ah non, tu veux quoi avec ouais, pour lâcher les messages. Pour lâcher les messages, c'est 41759 ouais, c'est, par SMS ouais, voilà. Ou alors avec hashtag le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Donc voilà. Vas-y, n'hésitez pas. Balancez donc vos messages. Je veux voir quel est notre invité surprise. Notre invité mystère. Pas un invité surprise, mais Momo, filme pas aussi, quoi. Parce qu'il y en a, ils vont tricher. Filme pas, Momo. Fais un gros plan sur Tunisiano. Voilà. Allez, fais un beau. C'est sur skyrock.fm pour les images, n'hésitez pas. Tunisiano sur Skyrock. Petit point sur ce qui s'est passé hier, puisque maintenant on fait un petit point sur ce qui s'est passé la veille. Vous faites comme ça, vous donc, êtes comme ça, vous. Hier, on a découvert le son Moot. Exactement, on a découvert le son Moot, on a découvert le son Jeune de tête. Ah, tu veux le faire? Ok, bah, je te laisse faire, t'as raison. Ah non, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, t'as raison. Je pensais que tu me posais une question. On va voir si tu te souviens de tout, Doug. Non, je me rappelle pas tout. Après, je crois qu'il me semble qu'il y avait Il nous condamne, featuring Youssoupha. Exact, ouais. Et après, il y a Doku qui nous a fait découvrir un titre à lui. Elle est là. Doku, chanteur urbain, comme il se définit lui-même. Qui vient de Rouen, d'ailleurs, donc pas lui. Et après, on a fini avec un beau live de Marc Avi. Petit truc. C'est quoi? T'as oublié qu'hier il y avait près de nous, donc du coup, qui était ton invité, qui est présent sur l'album Marc Avi, Tefa. Ah, Tefa, mais Tefa, je le présente plus, gros. Tefa qui était là, qui a réalisé l'album avec toi, enfin, qui a bien bossé dessus. Ouais. Que Marocco 26 a gagné une chicha électronique. Putain, Marocco, merde, je me serais jamais rappelé du blaze. Il est passé au freestyle. Ouais. Par téléphone. C'est vrai. D'ailleurs, en plus, toute la semaine, on en fait gagner. Donc, n'hésitez pas. On fait gagner des petites chichas électroniques, Ouki. Donc, tout à l'heure, je vais. Ou à moins que je peux la poser tout de suite, la question. Dans un instant. Ok, on va la poser après. Dans un instant, il y aura justement une chicha électronique à choper. Voilà. Et des albums dédicacés aussi. Donc voilà, pour la bonne. Et qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Ah oui, on a eu quand même un beau live, c'était ça, tiens, le live hier soir. Ah, il y avait un beau live. On va essayer de se faire un petit live. C'est quand vous voulez. Bah, c'est parti, gros. Hein. Dans la conquête du titre, mais qui pourra me la faire, mes rap avec les tripes, rap comme si c'était le dernier trip. Sur les bocs, tu cliques sur des vieux schnocks, ils nous escroquent. Dans la tripe, ils font du topless dans les clips, mais fuck, ça en dit long, mais si tu kiffes sur des raclures, choisis un mec à l'ambition, soit que ça paye pas les factures. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon époque, je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi, je supporte les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie. Dédicace à Doku, enfant du peuple. Il a fait le déplacement. Voilà, c'était hier un live, un petit extrait de ce live hier. Il avait un sacré DJ. Hein. Ouais. Il a signalé. Hein. Lourd. Il a bien coupé. Il a bien coupé le live. Marqué à vie, donc avec Doku, et les images sont dispo. Hein. Vous pouvez retrouver le live, c'est sur skyrock.fm. Et puis, dernière chose qu'on a appris quand même hier, et moi aussi je l'ai appris, donc voilà, toutes mes félicitations. Papa est marié. Ouais, bah ouais, c'est bon. Après, bon, forcément, je veux pas le créer sur tous les toits. Non, mais c'est vrai. Après, ça, c'est de l'ordre privé. C'est l'ordre privé, mais. Après, s'il faut en parler, ouais, y a pas de souci. Donc voilà, ça a un petit peu aussi changé forcément l'écriture de cet album. Non, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. J'ai toujours le même état d'esprit, la même détermination. Tu peux avoir un rôle d'un seul coup, mais de père qui t'envahit, tu vois, un truc qui se passe. Après, tu vois, j'ai fait un petit morceau qui s'appelle Eldon. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter là dans la semaine. C'est un morceau qui parle justement de la grossesse de ma femme et comment j'ai vécu la chose. Ça, ouais. Je dis juste que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose de marquant pour quelqu'un. Donc voilà, et puis un très beau titre que je vais vous faire écouter. Et puis voilà. Bon, plein de bonnes choses et on débute avec le Marqué à vie. Exactement. Donc, Marc et Avi, on vous fait écouter ça. Hier c'était le live, là aujourd'hui c'est le morceau en live. Envoyez vos messages, dites-nous ce que vous en pensez. Et l'album il est dans les bacs, c'est Marc et Avi, gros. Allez, le pécho, ma gueule. Yeah. Et qui est l'invité de Tunisiano? L'invité surprise, réponse dans un instant. C'est parti. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Marqué par mon époque. marque les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je marque et envie, tout comme toi je suis fort. Les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je marque et envie, parce que je marque et envie. Je suis marqué à vie. Monsieur Doku. Marqué par l'envie, marqué par les conflits, marqué par les potes. Largué, corps meurtri, trop tôt sont partis des potes charclés. Pas de beau roman, les sentiments sont en papier, trop émouvant. C'est jamais le bon moment pour en parler. Pourtant, simple haut-parleur qui est ton narrateur écorché par la vie et les pleurs. J'écris au cœur du bûcher. Dans le jeu de la haine, ils sont tombés. On met le feu à la plaine, continuez. Le prochain pompier sera le Ben en quarantaine. On erre à ciel ouvert, on trime. Ils ont recouvert la misère comme dans une scène de crime. Décidé à faire mouche, avance, on tousse, on planque. Le diable tente, moumousse, me manque. On ferme, on simule, attendant que le cœur ressuscite. Personne sorte sa cellule avec les clés de la réussite. On s'invite sans préavis, t'es pas ravi. On est high et banni, on est marqué à vie. Parce que je marque à vie, marqué par mon époque. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je marque à vie, tout comme toi je suis bon. Les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je marque à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Courtisé par le diable, présumé coupable. Ma vie n'est pas rentable, abusé. Et je vais les baiser sans code parental. Et trim pour que dalle, quand dehors c'est la mousson. Tu cherches ta soif d'idéal, un peu comme Alain Souchon. J'avance dans les bouchons, donc pas prêt de me faire flasher. Le cœur en téflon, y'a qu'en voiture qu'on peut s'attacher. Mon son te concerne, il le fallait, suicidaire. Sur un charlet en concert, j'ai découvert à qui je parlais. Dans la compète, sur ma tête que je vais les tordre. J'arrive à vie tempête sur le game. Il pleut des cordes à la conquête du. Le 20 mars à la boule noire. L'album est dans les bracs, c'est marqué à vie. 9-5 représentant mon gros. Tu cliques sur des vieux schnocks, ils nous escroquent. T'as la prix qui font du topless dans les clips. Mais fuck, ça on dit long. Mais si tu kiffes sur des raclures, choisis un mec à de l'ambition. Soit que ça paye pas les factures. Je suis marqué à vie. Yeah. Marqué par mon époque. Ah. Je chante mes cicatrices. Les cris. Monsieur Doku. Tout comme toi je suis punk. Les aléas de la vie, même quand le job va pas. Fais parler le talent. Dédicace à tout le monde là. Le studio est plein aujourd'hui. Marqué à vie. Marqué à vie. Frérot, je suis marqué à vie. Marqué par la vie, les braves gens sont opprimés. Mis de côté, salis ou sous-estimés. Yeah. Prouver qu'on est à la hauteur. Dédicace à Mousse. Oui, fier de. Dédicace à la mif. Négligé malgré tellement. Laissez-moi vos messages là. Je vais savoir qui, premièrement, qui est l'invité. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon époque. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je suis fort. Les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie. Oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Marqué à vie avec Tunisiano et Doku qui était notre invité hier soir. Voilà, et donc je voulais le faire découvrir. Mmh. Découvrez-moi ça, j'espère que vous kiffez. En tout cas, l'album il est plus que lourd. Je vous invite à aller le pécho. Donc voilà. Alors, regardez les réactions, vraiment lourd le son, il défonce. Allez-y, 41.7, bon son, j'adore Tunisiano. Merci, merci. Vous continuez avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de bonnes réponses pour l'invité mystère. En même temps, on n'a pas donné d'indice. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est Aketo. C'est un peu logique. En même temps. Non, on va vous donner un. Moi j'en ai un. Vas-y, donne-moi l'indice, quoi. Chut, chut. Non, tu sais pas le faire. Non, mais c'est pour compliquer un peu, sinon. Il a fait chut. Non, mais c'est pour compliquer un peu, parce que c'est... Non, moi je vais si dire. Tu le fais, c'est trop simple. Non, je vais dire que c'est un mec de mon département. Voilà. Ça, c'est facile, ça. Donc vas-y. Du Val d'Ozoave. Eh, gros, après, il y a plein d'MC, hein. Il y a plein d'MC dans mon département. C'est vrai. Val d'Ozoave. C'est donc, vrai. Tu vois. À vous de chercher, creusez-vous pas trop. Ouais, c'est pas très compliqué. Envoyez le message avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Donc j'attends vos réponses, on va voir si vous arrivez à trouver. Ryana, il a mis hectares. La fille, il a mis 9-5 hectares, il a tout compris. Voilà. Et le tonton Tony, bah, vous continuez. Bah, tiens, ouais, ça y est, c'est parti, hein, les bonnes réponses. Voilà, ça commence. Allez. 41-7-5-9, on passera le morceau dans un instant. Je rappelle aussi que nous, sur la page Facebook de Planète Rap, sur les Twitter, sur tout ce qui est réseaux sociaux, on a demandé quel était le morceau préféré à ceux qui ont déjà ton album. D'accord. Enfin, peut-être pas le morceau préféré, mais le morceau qu'ils ont envie qu'il soit joué ce soir. Ils ont envie d'écouter. Mariage forcé. Ah, c'est mariage forcé, ouais. Ils ont choisi ce titre là. Ouais. Bah, pas de problème, on va le faire écouter avec plaisir. De toute façon, je suis là pour tout vous balancer. Donc, en plus, mariage forcé, c'est l'un des petits morceaux coup de cœur que j'ai dans l'album. Donc, vas-y, c'est magnifique. Bon, est-ce que tu veux qu'on présente ton invité qui s'active, qui s'agite derrière moi? Je le sens. Tu l'entends derrière? Ah, oui, je l'entends, il est là. Ouais, vas-y, on le présente. Pas de problème, on va le présenter. C'était ça, mon indice. Et c'était quoi? C'était tch, tch, tch. Ouais, ça va, il arrive à le faire. Tout à l'heure, il a fait. Mais oui, parce que c'est pour compliquer un peu l'affaire. Est-ce que tu peux aller t'asseoir ou tu vas rester debout toute la soirée? Voilà, Lino d'Arsenic qui arrive dans le studio de Planète Rap, l'invité mystère de Tunisiano et qui s'installe au micro. Donc c'est une rencontre qui va parler aussi à plein de générations parce que. Bah en fait on n'est pas des tout jeunes, on va dire plutôt, mais bon en tout cas on est des sérieux du cœur. Moi je suis jeune. Moi aussi je suis jeune gros. T'as pas vu ou quoi? T'es moi je suis frais, je suis rasé, je suis pimpant. Arrête. Non. Quand je parle de l'historique du rap français. Voilà. Bonsoir, merci, bonjour. Bonsoir, bienvenue, ça va? Enchanté. En forme? Bien. En réalité, j'arrête pas de venir ici en fait. Mais c'est vrai, t'as rien. J'étais là la semaine dernière. Mais tu reviens l'autre semaine, je sais plus. Dans une semaine, tu seras là. Et bientôt, t'arrives pour ton beau mal solo. Donc merci. C'est quand? Merci. Là, à la rentrée. Septembre. Septembre, ah bah voilà. Ça se passe bien. C'est Nico qui me l'a dit. Alors, si Nico l'a dit. Septembre 2014, enfin l'album de Lino. Si Dieu veut, c'est pas moi qui décide. Monsieur Bors. Mais non, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que voilà, il y a toute une génération qui a grandi aussi avec les sons d'Arsenic, avec Sniper. Ouais. Et qui continue d'ailleurs à grandir aussi maintenant avec toi, avec l'album. Il y en a peut-être plein qui vont te découvrir aussi d'ailleurs, c'est marrant. Ouais, bah écoute. C'est ça aussi la musique, il y a des pourquoi gens. Pourquoi pas, hein, moi je suis partant. Découvrez-nous, découvrez notre univers. Après, tu vois, la bonne musique ou en tout cas le bon rap, ça vieillit pas. Ça se vieillit pas en tout cas. Ça mais le fait d'avoir c'est comme le bon vin. Voilà, exactement. Il devient meilleur même parfois. Ouais, c'est ouais. Ça, exact. Lino, de l'avoir par contre sur l'album, c'était un gros kiff. Écoute, franchement, c'était un vrai kiff d'artiste. Moi, j'estime que c'est l'un des MC les plus chauds en France. Donc voilà, c'était un honneur. Bon, je peux y aller, là, c'est bon. Et puis voilà, quoi, tu vois. Là, c'est bon, on a fini. Non, mais bon, après, tu vois, j'ai pour l'habitude de le dire, je m'en cache pas. Le gars est chaud, tout le monde le sait. De toute façon, pose la question à des gens et je pense qu'ils arriveront à te répondre. Et puis voilà, on a fait un gros titre, Val de Zouave, on a représenté un petit peu notre département. Je trouve qu'il a fait plus que son taf. Donc vas-y, après je vais laisser parler, merci. Gros. Merci. Ça va assez de compliments? Ah, je suis bon, moi. Là, j'ai ce qu'il faut. Là, je peux y aller techniquement. Ah, le crâneur. Ouais, c'est bon. Non, mais peut-être avoir le regard que t'as, toi, sur la carrière de Tunisiano, de Sniper. Non, j'aimais pas, moi, Sniper. C'est parti dans le clash. Gros, en plus, c'est même, on l'a fait avec Desch à l'époque. Sérieux. C'est parti dans le clash, c'est parti. Vous êtes trop sérieux dans le rap, les frères. Oui, c'est vrai. Non, j'adore les frères. On a commencé ensemble. Je disais, avec, dans la compila Desch, tout ça. Nous on faisait Ball Trap, lui il était avec un groupe je crois. Ben oui, c'est vrai. Très longtemps. Hein. T'as vu très longtemps. Et voilà, on a commencé un peu ensemble en réalité. Et c'est un juste retour des choses. On est du 95. Voilà, j'adore Sniper, c'est dans la pure tradition de ce que nous on faisait aussi avec Arsenic. Voilà, un peu de dénonciation, du kickage, du brip. Exactement. Parfait. Bah franchement, tu vois, moi je suis partisan du rap qui a des couilles, on va dire. Donc j'aime quand ça va directement, quand ça fait mal et ça pique et c'est pas et que les lyrics sont tranchants et puis c'est ce que je kiffe chez les rappeurs. Et là avec Lino, ben on est au cœur du sujet, donc c'est parfait. Est-ce que t'as écouté un peu des morceaux de Lino? Exactement, gros, j'ai écouté. En plus, j'ai découvert un de ses clips là qui arrive très prochainement. Je pense que le rap français va pas s'en remettre. C'est quoi le morceau? C'est le retour de Francis. C'est vrai, mais non, c'est vrai. C'est vrai? Non, t'es en train de m'enfumer, toi? Non, je suis sérieux. Non, on a fait un titre, il y a un clip qui va sortir, ça s'appelle 12e lettre. C'est un single zéro, ça arrive et il y a des petites surprises dedans. C'est très intéressant. Ça arrive là prochainement, dans les jours. Ouais, normalement, fin mars, si tout va bien. Fin mars, donc, ouais. Dans une quinzaine de jours, il y aura enfin du son de. J'aime pas donner des dates à vous. Voilà, on a pris quand même deux dates. En tout cas, moi, septembre et fin mars. Donc, mais j'aime les dates. Toutes les dates. En tout cas, je peux t'assurer que ça arrive très, très, très lourd. Est-ce qu'on l'écoute maintenant, le Val de Zouave, non? Vous ferez en live, peut-être, non? Ouais, si tu veux, on peut se l'écouter aussi, hein, ça me pose pas de problème, moi. Et ben, on va l'écouter, c'est extrait de l'album Marqué à vie. Vas-y, prends ça dans tes oreilles. Et c'est dans les bacs depuis hier. Voilà, dans les bacs. Donc, allez le pécho, l'album, il est plus que lourd. Et il y a un concert exceptionnel à la Boule Noire, c'est le 20 mars. Donc voilà, envoyez vos messages, on veut voir si ce titre-là, il vous plaît. C'est avec Monsieur Bors. Soir hyperactif comme si j'avais bu 12 cafés. Je me fais rare comme un com positif sur Boost Café. Je vis à l'écart pendant que ces clébards ne font que taper. Couche tard, va savoir pourquoi ils veulent tous rapper. Grand trafiquant, les narines pleines de perles, un pimpin. Côté déviant, sont stupéfiants. Autant qu'un cycliste italien, je parle pour les miens. J'ai l'âme du compétiteur. Des rappeurs crèveraient pour être entêtés sur Twitter. Ray, allez viens, frérot, je te mets bien. Puis l'enfant, je crée l'écart, choqué la France. 95 Nectar, tous ces chiens sont trigger et minables, toutes leurs conneries mentifères, inimitables, même Willax peut rien y faire. Hey, good. J'ai le diable dans le coffre, je suis défoncé, Jésus c'est le pilote. Dans un coin de ma chambre, le rap français a oublié sa culotte. J'accélère loin des négros vrais comme le cul à Nicky. J'entends tu sors un disque à des featuring. Mec t'as Mickey. Sans pas du ring, du liquide dans le sang sur le game. Jury, y'a rien dans son duo, c'est le juge, c'est jamais le même jury. Personne ne bouge, des fourrailles sec au premier geste brusque. Dans ma secte, on fait dans le chocolat comme Jeff de Bruges. C'est vrai les gars. Hey, crachez vos messages là. Quand pour la plupart, ça c'est du vrai rap français, ma gueule. Son plan pour la plupart. Et on fait quoi une fois qu'on a dit ça au peuple? Lyrique, je te nique avec l'accent de l'autre côté du périphérique. J'ai mille fois tenté de me faire comprendre par ces gens. Ces petits bourgeois n'ont jamais arpenté d'endroits indécents. Et je suis courtois, pas de ce qu'on fait leur classe en les champs. Froid et sourd, moi je les fais chier. Attends, je vais t'apprendre à détendre. Ma vérité est boycottée comme Cassius Clay ou Farrakhan. Ta liberté localisée sur une petite île à Manhattan. Rêver de se fondre dans la masse, intégrer, taper, tel un suc dans la tasse. Mais la France, c'est pas. L'amour est soudaine, le cercueil fait de la déco. Ça vient de Beuil, une belle, toutes les villes à Téco. Rock leur soirée mondaine, j'traîne dans des tripots. Oui, j'préfère qu'ils me craignent, qu'ils me saignent. Je m'appelle amigo. Pas de soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, pas de soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, j'ai la dalle, donc je les dogging avant-gardiste. Depuis que mon dentiste m'a limé les canines, je rentre en piste, pas pour les épater. Le clown est triste, donc je vais les taper. Le cerveau amoché, les potes me manquent parti trop tôt. Je pense à Roger, MC Devin, tu joues de la flûte, je te laisse sous mes pieds. Non, je traite pas ta mère de pute, parce qu'y'a pas de sous-métier. Non, y'a pas de sous-métier, non, non, y'a pas de sous-métier. Non, donne pas ton frère au slip, où c'est la haisse tout l'été. Val d'Oiseur, Val de Zouin avec Craser. Le beat brûle des voiles de Zam. Borse 900, 400 litres, on a la pesée. Moins 230 kills tunisiano, ça doit peser. Viguel Bastos, deuil la bombe. Appelé à la barre, musique à pompe. Où est le matos, tricard même sans la barbe. Violence, weed et alcool brun. Chez nous c'est le terroir. Parfois la dalle habille en Heisenberg. Les Walter White, la face cachée de l'iceberg. C'est pas du freestyle mec. T'es comme attaché à ma cam, un genre de cristal net. Le rock a perdu ses couilles, le rap a changé de sexe. Allez tous au bois, suivez le conseil à six coups en access. Prime time, tu ne verras pas kicker, je me mêle pas à la foule. Autant voir le président du CRIF faire une quenelle à la foule. J'ai laissé le sourire, la DM sur la scène. Si, musique du diable, 9-5. Au sang du Christ, que des buzz prématurés, plein de carrière dans les couveuses. T'es un crash test, c'est un go fast. Ta zig fait l'ouvreuse. Trop de femmes, tu es un peu dexter. J'ai que des buts sans corps. Moins de fans que des experts, suceurs, des buts sans corps. Un avenir incertain. Puissant, je constate sur les propos à Guerlain. Je me libère la prostate. Loin de place Vendôme, de l'avenir à Robstack. Maître de mon royaume, le roi d'un château de cartes. Tu veux faire un peu de promo, franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo. Si tu veux un semblant de carrière d'ailleurs, parle plus de rien. À l'heure où les lobbies nous font mentir, l'objet communauté nous a montré que l'on ne peut plus rien dire. L'amour est soudaine, le cercueil fait de la déco. Ça vient de Villiers le Bel, toutes les villes à déco. Fuck leur soirée mondaine, je traîne dans des tripots. Oui, je préfère qu'ils me craignent, qu'ils me saignent. Ils m'appellent amigo. Pas de soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi. Pas de soi, soi, soi, soi, soi. 9-5. Soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi. Le 5 et l'appartenance. Ici, c'est ton Nissan, Monsieur Bors. L'album s'est marqué à vie. Il est dans les bacs. C'est un album plus que lourd, mon gros. Lâchez vos messages, on va voir ce que ça donne. Le 5 et l'appartenance. Yeah. Val de Zouave à l'instant avec Lino qui est là aussi ce soir dans ton planète rap tunisien. Il est là, Lino. Il est là. Il est en train de siroter sa petite chicha électronique que tu vas filer d'ailleurs. Il savoure, c'est un vent gourmet. Et là, il est gros. En tout cas, voilà, je t'ai laissé savourer le titre. J'espère qu'il vous a plu. Ouais, Val gros, de Zouave. Gros titre. Donc voilà, le morceau il parle par lui-même. Hein, on représente notre département. Et donc on en est fiers. On vient de là, tout le monde le sait. Et puis voilà, c'était le moment de. C'était l'occasion de. Et puis symboliquement, voilà, de vous retrouver tous les deux sur ce morceau. C'est ce qu'on disait avec Lino, voilà, le fait que votre carrière est pratiquement débutée ensemble, la même compile au tout début aussi pour Sniper, pour Arsenic. Donc voilà, l'aventure continue. Exactement. Donc voilà, ça arrive. Là, il y a mon album solo, il y a le sien qui arrive dans la foulée aussi. Septembre, il nous a dit Lino. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de rap ? Parlons de rap. Parlons. Ça veut dire 2014, attends-toi, du vrai rap français, ma gueule. Ouais. Parlons de rap un petit peu, Lino. Quel est ton point de vue sur ce que tu entends dans le rap français actuellement? Ah, elle crache ma gueule. Je m'en fous, j'adore tout, moi. J'aime tout le monde. Tout le monde. Que des tueurs. Moi aussi, je suis d'accord. Que des MC lourds. C'est que trop des lourd, tueurs. Ben. Que du lourd. Tout est bon, il n'y a rien à redire. Mais par contre, quand tu vas arriver en septembre, là, c'est un problème. Là, ça va être un problème, non? Ouais. Là, c'est moi le problème. Pour le rap français. Ouais. Ce sera un vrai problème. Carrément. Ouais, je pense, ouais. Bon, et on attend septembre, et puis d'ici là, dans une quinzaine de jours, il y a un morceau. Rappelle-nous le nom du morceau. 12e lettre. 12e lettre, ouais. Qui arrive avec le clip. Ouais, c'est un single zéro, boum boum, c'est un premier morceau qu'on envoie comme ça pour les fans inconditionnels. C'est ce que t'avais fait d'ailleurs, toi aussi? Ouais, c'est ça, on avait fait la même chose avec Hurricane Carter, ouais. Et puis voilà, c'est un petit single zéro, et après, en tout cas, les gens qui te suivent depuis le début, quand tu balances ce genre de titre, en tout cas, t'annonces que t'es pas loin. Et bah, il est pas loin, Lino. Jamais senti aussi en forme que pour son retour en 2014. Ah, je suis en forme depuis 63, je suis né quand, moi? Non, je suis né en 86, ouais, c'est ça, en 86. 63 ou 80, il y a une grosse marche. 86. 63 ou 86? 87, là, on vient de dire dans mon oreillette. 87, je sais même pas. C'était quel mois? En mars. Le 10 mars. Et voilà. C'est pas le jour de la sortie, ouais, de l'album. Exactement. C'était pas hier. C'est ça. Bon anniversaire, Lino. Merci. On a oublié de fêter. Merci, enchanté. À 24 heures près. Enchanté. Pour ça, il pouvait pas venir hier. Bon, tiens, en parlant d'anniversaire, il y a cadeau maintenant pour tout le monde. Enfin, pour une personne qui va avoir la bonne réponse. Attention, il va falloir être rapide. Bah écoutez, en fait, là, vu que, comme je t'ai dit, en fait, on va balancer des CD dédicacés et ainsi qu'on va faire gagner des chichas électroniques de la marque Ouki. Donc, en fait, voilà, j'ai une question toute simple. Envoyez vos hashtags tunisiano sur Skyrock avec la réponse. Je veux avoir tous les featuring qu'il y a sur l'album. Donc forcément, pour ça, faut que tu aies écouté l'album, ou au moins faut que tu les pécho, ou je sais pas comment tu as fait. Mais bon, en tout cas, voilà, je veux toutes les, donc je veux tous les featuring. Noms des artistes. Tous les artistes, gros. Tous les artistes qui sont, voilà, présents en featuring. Exactement. Et celui-là, et celui-là. On voler des disques aujourd'hui. Et là, on est là. On sait déjà qu'il y a Lino. C'est déjà un indice. On sait qu'il y a Doku. On peut voler des disques aujourd'hui. C'est pas mal. Bien sûr, on peut, gros. Je pose des vrais problèmes aujourd'hui dans Planète Rap. Ah, gros, les boutiques, elles sont assurées. Hein. Donc, si vous avez. C'est pas possible. Si vous avez les noms de tous ceux qui figurent, voilà, sur l'album. Voilà, citez-les-moi tous. Ça veut dire que ce soit rappeur ou chanteur, je veux savoir ça. Parce que bon, après. Bon, pas les producteurs. Non, pas les producteurs. Je veux juste les intervenants pour les feats. Donc, allez-y. Voilà. Celui-là qui me, le premier qui me balance ça, bon, bah voilà, on lui fait gagner une chicha électronique et il reçoit son CD aussi. Donc, cool. 41-759 ou alors avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock, vous balancez toutes vos réponses. On va revenir dans quelques minutes avec Tunisiano, avec Lino. Lino, un peu de live ce soir ou pas? T'es en jambes? Bah, si Dieu veut. C'est pas moi qui dis, je décide rien, moi. C'est Dieu me contacte. Eh ben, écoute, on va essayer que vous soyez en contact tous les deux d'ici une bonne vingtaine de minutes. Il y aura peut-être du live tunisiano, non, avec toi? Bah, Dieu, il est en contact aussi. Toi, t'es en contact. Non, bah, on va se faire un petit Val de Zouave en live. Ah, bon, on dit qu'il y a déjà une bonne réponse. Elle est où, je la vois pas? Elle est où, la bonne réponse, moi? Attends, faut que je vois ça. Ah oui, la tour, regarde. Hop, tonton Tony. Je crois qu'il a oublié personne, hein. Bon, on va vérifier pendant la pub et on vous confirme ça juste après la pub, bougez pas. Vas-y, on va voir ça. Comme toi, Tunisiano a choisi Planète Rap. Planète Rap. Tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planète Rap avec Tunisiano, Marqué à vie. Si. Et Lino qui est là ce soir. Ça fait plaisir de retrouver Lino. Ça faisait au moins une semaine qu'on s'était plaisir, pas vu. C'est vrai. Ça fait deux jours même. Et attends-toi à le voir. Tu vas le voir. Il paraît que tu reviens la semaine prochaine. Je sais pas. Dis-lui si Dieu veut, gros. Il y a 10 la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Oh, c'est pas, tout peut arriver. Bon, et on a déjà donc la bonne réponse, puisque tout à l'heure on a vu le message arriver très vite à ta question, qui sont les featuring sur l'album. Ouais, bah écoute, le mec il avait tout bon. Et bah, il a parlé ou pas? Il a sorti tout. On est en ligne. Ah, lourd, vas-y, balance. C'est quoi? C'est Tonton Tony, c'est ça, hein? Non, il y avait marqué El Tonton. El Tonton Tony? Ouais, je crois que c'est ça. El Tonton. El Tonton. El Tonton. Oh, El Tonton. Ah, tu nous entends ou quoi? Tonton, problème de portable, ouais, à mon avis. Allô, El Tonton? Ouais. Ça va bien? Ça va, tranquille. Eh ben, bienvenue en direct à l'antenne. Je te présente Tunisiano. Il y a Lino qui est là aussi. On est là, gros. Ah, bonsoir. Bonsoir à toi, bravo, bien wesh. Bah attends, bien wesh, on va vérifier. Alors, qui sont les featurings sur Marqué à vie? Vas-y. Alors, il y a Doku. Oui. Bien. Charles Passy. Oui. Ouais. Clem, oui. Lino, oui. Youssoufa, oui. Thomas Mignot, oui. Nassi, oui. Sofiane, oui. VLD, oui. Orkari, oui. Et Mister Raketo. Ah. Si, si, si, ouais, si, si, bravo, bravo. Mais il a acheté le disque. Tu l'as acheté le disque? Ouais, ouais, évidemment, ouais. Il avait quitté. Bah, c'est fou, sur Internet, il vous a carotté, là. Ah non, gros, la tête d'homme, si tu l'as téléchargé, dans ce cas-là, on oublie tout, là. Non, j'arrête de donner lui le truc, il a fait le boulot. Il a déjà acheté le disque, respecte-le, là, acheté le disque. Alors attends, on va l'écouter, qu'est-ce que tu dis? T'es collé, mon frère. Attends, on t'écoute, vas-y, laisse-le parler. Je suis un gros fan de Tunisiano, de Sniper. C'est vraiment eux qui m'ont bercé un petit peu, étant môme. Et trois jours avant la sortie, donc lundi, j'ai vu qu'il était sur Internet, donc j'ai téléchargé pour écouter déjà le taf. Et c'était tellement lourd que du coup, bah, je suis allé l'acheter hier, donc voilà. Ah, d'accord. Ah, donnez-lui le produit, les frères. Ça y est, t'as le produit, gros. Et t'es quoi, t'as même un bon mal avec, en plus. Ah, l'album dédicacé qu'on t'envoie. Et t'as aussi 500 euros de la part de Tunisiano. Voilà, exactement. Officiellement, tu vas faire quoi? Chèque, cash, 500 euros. Virement. Et quand on part, 500. Moi, je paie rien parce que je suis une pince. Bon, est-ce que t'as une question à poser, justement? Est-ce que Tunisiano, parce que pour amener. À mon sens, c'est sincèrement le meilleur rappeur français. Il y a tout, il y a le flow, il y a la pluie. Ouais, quoi, je suis une merde, moi. Merci, gros, merci. Attends, pour une fois qu'on dit que c'est ouais, mon gros, tu vas pas. Oh, t'as eu le droit, t'es content. Ça va, il y a des merdes là. Oh, El Tonton, t'es un vrai big up à toi. El Tonton là. El Tonton là. Oh. El Tonton, Tony de Dijon. Si tu veux poser une question, justement, profites-en à Tunisiano. Tunisiano, j'en ai tellement, sincèrement. Comme tu veux. T'es pas obligé, hein. Déjà sur l'album, c'était pour savoir est-ce qu'il pense qu'il a toujours la même mentalité, étant donné que maintenant il est quand même beaucoup plus posé qu'avant, je pense. Il est papa, est-ce que non, ça a changé sa vie? J'ai plus la même mentalité, je suis devenu père, je suis j'aime plus le rap, je suis déçu. Maintenant, je m'occupe de mes mots, mais j'en ai plus rien à foutre de ces conneries de rap. Ouais, tu vois, en fait, le rap, ça me botte plus trop, tu vois. entre la nourrice et le genre de bail, tu vois. Pour lui répondre sérieusement, donc a priori, non. Non, mais je suis très sérieux, j'aime plus ça. J'en ai plus rien à foutre. N'achetez pas mon album, surtout. Évitez d'aller chercher mon disque. Et puis au mieux, voilà, si tu le trouves pas. Écoutez le premier, voilà, on fout du reste. Il est fou, cet enfoiré. Et je peux poser une deuxième question? Ah non, c'était pas une bonne réponse. C'était pas une bonne réponse, c'était Lino qui répondait. C'était une bonne réponse. Hein. C'était Lino, c'était pas Tunisien. Faut pas l'écouter, les gens. Ouais, parce que s'il y en a qui n'ont pas compris. Tu fais de la propagande. Écoutez-moi, il y a une confusion là. Non. Je suis Tunisiano, je n'en peux plus. Vas-y, réponds Tunisiano pour de vrai. Il faut que je vous le dise. Non, il n'y a rien qu'à changer, au contraire. Ça veut dire que bon, c'est certes, même si t'es un petit peu plus posé ou tu penses à d'autres choses ou tu t'assagis, en tout cas, quand t'écris à la base, c'est pour cracher ton venin et cracher des vraies choses. Et puis voilà, c'est pour ça que ça change pas. Donc, bah voilà. D'accord. Et tonton Tony, c'est la même. Et j'aurais voulu savoir aussi, j'étais allé te voir en 2008 pour ta première tournée quand t'étais passé à Dijon. Ouais. Est-ce que tu vas repasser à Dijon cette année? Est-ce que tu vas passer à Dijon? Écoute, j'aimerais bien, tu vas passer à Dijon ou pas? Ah oui, j'aimerais bien. Ouais. J'adore Dijon. Non, moi aussi, franchement, j'aimerais beaucoup passer à Dijon, on sait jamais. Mais bon, en tout cas, là, pour le moment, je suis juste le vin à la boule noire. Mais bon, si par la suite, il y a quelques dates qui se font, pourquoi pas. Eh ben voilà, mon pote. Bah, merci à toi, en tout cas. Pour finir, j'aurais juste voulu passer une grosse dédicace. Donc, dédicace à Lino, à ton groupe, Arsenic, à Sniper. Ah, non, c'est bon, excuse-moi, merci. Non, vas-y, en dédicace. Merci, bro. Merci, t'es un bon pote. Il est vraiment resté intègre et fidèle, voilà, aux vraies valeurs. Merci. Eh ben, merci à toi. Voilà. Non mais laissez-le parler, il a fini le tonton Tony. Il dit des choses très intéressantes. Mais je sais, oui, il a parlé d'arsenic. Il a parlé de Tunisien aussi. Okay, voilà, merci. Et bon, on le remercie du côté de Dijon. Et là, on va balancer un morceau. Quel morceau on met, Tunisiano, pour fêter cet événement et ce cadeau qui a été balancé? Passe le morceau dont on s'était parlé tout à l'heure là. Mariage forcé. Exactement. Ou État sauvage. Non, on va passer Mariage forcé d'abord et après on va passer État sauvage. Mariage forcé, ça c'est un des morceaux qui a été plus demandé sur la page Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas, toujours, vous allez faire un tour sur la page Facebook de Planète Rap. Envoyez vos messages sur la page Planète Rap sur Facebook, ouais. Allez-y. Et on écoute maintenant donc morceau Mariage forcé avec Nassi. Réagissez en direct au morceau. Nassi qui fait le refrain, big up à lui d'ailleurs. Et puis voilà, scalp à la prod. Et puis voilà, c'est hashtag Tunisiano sur Skyrock. Envoyez-moi vos messages, dites-moi ce que vous en pensez. Thématique ambiguë mais qui est piquante. Et on en repart. Allez, on l'écoute maintenant. On remet dans les bacs. Choisir entre mon père et ma mère, non. Je ne saurais vous dire qui de l'un ou l'autre m'est le plus cher, non. Ne me demandez pas de choisir entre mon père et ma mère. Je ne pourrais jamais, non. Au pays des païens, entre le din et Satan, galérien tout terrain, malgré une trentaine de printemps. Oui, j'y ai fait mes classes, mes coups de crasse, mes études. J'y ai pris mes codes et mes sales habitudes. Dur de prendre de l'altitude, dur d'avancer, partagé entre deux terres. Je ne sais sur quel pied danser. Oui, je suis ce petit blanc, bien portant dans mon village. Et malgré mon bronzage, garde la souffrance sur le visage. Ici, c'est un gamin souffrant d'un devoir de mémoire, entaché d'un mouton dans la baignoire. Oui, choisir mon origine, je ne pourrais. Faudrait qu'il sache que serait un arbre sans racine ou un homme sans attache, torturé. France, Maghreb, tout un rêve de parents s'orculent, qu'ont enfanté toute une génération de gamins perdus. Choisir un bled drôle de délire ma parole, comme si je te demandais de choisir entre le daron ou la daronne. Je n'ai pas d'épouser l'un ou l'autre. C'est pour tous mes Français, oui. Hein? Tous mes Zientus. Tous mes Camarobes, tous mes Algériens. Eh hey gros, dites-moi qu'est-ce que je possède à part une origine apprônée. Man quelques clés bas, m'ont demandé de les renier. Perdu entre deux pays, ces différences qu'on martèle. Enfant de la patrie, pas descendant de Charles Martel. Faut-il que je sois docile, muet, invisible sans déranger. Que j'excelle pour être un bon étranger. Il m'est interdit d'être bof ou médiocre. Je demeure dans la virtualité, faciès mitigé. Le reflet de notre époque. Vos préjugés sont lourds, difficiles de passer au diabolisé. Les sœurs ont mis à envoi sur des idées courtes, désavantagées. On part perdant dès le départ. J'offre des roses à ceux qui ont les idées noires. Un phénomène de voir, une bonne poire sur qui taper. L'histoire nous a montré qu'un prénom peut handicaper. Ce qu'il y a sur nos faciès, ne cherchez pas à l'effacer. On marque à vivre. Et l'album est dans les bacs. Yeah. Ne me demandez pas de choisir entre mon père et ma mère. Féro. Non. Je ne saurais vous dire qui de l'un ou l'autre m'est le plus. Fais parler le talent, non. On le fait parler. Ne demandez pas de Skyrock. Choisir entre mon père et ma mère. Tous les cinq. Je ne pourrai jamais, non. Ne me demandez pas de. Laissez-moi vos messages. Hein, je veux savoir ce que vous pensez du titre. Ce que vous pensez de l'album. D'ailleurs, elle est dans les packs. J'en serais malade, j'en serais malade, non. Ne me demandez pas d'épouser l'un ou l'autre. Je ne veux pas de ce mariage forcé. Ne me demandez pas de choisir entre deux, car je serais contraint de divorcer. Merci pour vos messages. Hey, je suis en train de les lire, franchement ça déchire. J'en serais malade, j'en serais malade. Si, si. Merci. L'album c'est marqué à vie. Il est disponible partout. Donc tu peux te le procurer. Procure-le-toi d'ailleurs. Je te le conseille. Mariage forcé à l'instant. Ce morceau qui est né comment, tunisiano, celui-ci? Bah écoute, qui est né belle collaboration avec Scalp. On s'enferme en studio. J'avais envie de faire un titre un petit peu avec des sonorités, allez, on va dire orientales, tu vois. Et puis voilà, le morceau il est né tout seul. Ça veut dire que on s'est enfermé. Il y avait Scalp, Nassi, moi, on a cogité, j'ai commencé à gratter, et puis voilà quoi, on est parti sur cette thématique là, tu vois. En fait, c'est quoi, c'est un message d'amour à la France, mais tout en disant que nous on est français à part entière, on est intégré, on aime ce pays, mais malheureusement c'est pas le cas parfois, on le ressent pas tout le temps, et puis voilà, en gros la vraie thématique du titre. Voilà, mariage forcé qu'on écoutait avec Nassi, voilà. Et produit par Scalp. Exactement. Ovitch, qu'on salue aussi. Marqué à vie, c'est l'album de Tunisiano. Dans un instant, il y aura du live avec Lino pour le Val de Zouave. Exactement. Juste avant, je vous présente Robs de Bordeaux. Ouais. Yo, Robs. Hello Robs. On est Al, ça va les frères? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, on est là, rap de cabine comme d'hab. Si, ma gueule à Zoulemène. En direct, de cabine. Ouais. Elle est où la cabine, Robs? On est en mode Hess à Bordeaux. Hey, gros, il a d'accord. Pas dit rap de cabine, il a dit rap de cabine. Cabine. Non, de cabine. Non, il a dit rap de cabine, frère. Quelle cabine, gros? Il a pas dit la cabine. Il a pas dit la cabine, gros. Les cabines, c'est fini. Maintenant, il doit appeler de son portable. Oh, frère. Non, de cabine. Frère, il va falloir que tu me donnes le nom de ton maraîcher, frère. Eh, gros, dis-lui à Zoulamène, cousin. Voilà. Ah, putain, j'avais compris. Rap de cabine. Non, non, gros. C'est rap de pulcus. Bah oui, mais alors, fallait me dire Azoul, quoi, direct. Ah, bah voilà. On y est. Qu'on passe tout de suite aux choses sérieuses. Attends, t'es quand même dans une cabine. Voilà, on est dans la cabine. Bon, bah, voilà, dit, donc okay. moitié, okay, un partout. Non, c'est du rap de cabine dans une cabine. Voilà. T'étais à la rencontre à Bordeaux avec Tunisiano ce week-end? Ah non, frère, j'ai pas eu le temps, t'as vu, parce que justement, si je viens freestyler ce soir, c'est parce que j'ai sorti un gros titre. Uh-huh. Avec du lourd, All Carry, Django Jack, Demo One, SP, Nak Mendoza, Avenger, il faut sauver le rap français. Et voilà, tu vois, je suis Al pour ça. C'est bien, gros, il y a du rap à Bordeaux, ça fait plaisir. Il y a du rap à Bordeaux, il commence à se développer, t'as vu, les rappeurs bordelais, ils sautent, on lèche le trou du cul, frère, et le problème, c'est que ça évolue pas, tu vois. Non, mais gros, en plus, j'ai bien entendu, ça a plu à Lino. C'était trou du cul. Non, ça m'a pas plu. Non, mais d'ailleurs, big up. Pas ce genre de gros. On est venu faire un tour chez vous ce week-end, justement, c'est archi bien passé. Donc on a rencontré plein d'MC de chez toi aussi par la même occasion, mais bon, on t'a pas rencontré, donc vas-y. J'ai pas de taille, frère, j'ai pas de taille. Allez, on t'écoute, Rob, c'est parti. Vas-y, on va la prendre. Session freestyle par téléphone. Ok, 1, R-O-P-S, écoute ça, hey, ça fait, 1, yeah. OPS, a.k.a. l'homme élastique, des fourraillés la prod, je fais du rap, pas de l'art plastique, je reviens briser le game avec les frères, montrer l'écran, le vrai hip-hop, on a marre, se laisser faire, tout vient à point. À qui c'est t'attendre, c'est pas un clash, juste une mise à l'amende, un pic, une feuille, corrosive comme l'amiante, doré d'acier quand je passe derrière le mic. Tu te lamentes, c'est pas fini, le rap actuel, moi je le détruis, c'est devenu de la variette, très ça m'ennuie, voilà une équipe planète, pour te pousser au suicide, venu d'une autre planète, mec on est invincible, je te gifle à travers le mic, plutôt que baisser mon buzz lead, double kick à l'ancienne comme Bruce Lee, avec ou sans pouvoir, pour nous pas de soucis, Avenger frais, ça sent le roussi, à supparer, je rappe trop lentement, la prod j'apprends, je la baisse et je te la rends, au moins je me donne à fond comme dans le champ, numéro 12 dans le t'es sur le banc, le barrier est plein, mes cordes vocales sont chargées, des potes j'en veux aucun, je suis là pour mitrailler, je gratte pas le soutien, seulement des punchs sur mes cahiers, mon pic m'a fait mon sticky, tu peux m'en jaillir. Ok, yeah. Robs de Bordeaux à l'instant. Terrible. Ouais. Merci à toi, Rob. On peut faire une petite dédicace ou quoi? Vas-y, j'ai entendu klaxonner derrière toi. Merci à Tunisiano, frère. Merci, frérot. Inch'Allah, tu seras sur la suite de Avenger. Inch'Allah. Bah écoute, Inch'Allah, moi en tout cas, dès que je suis de passage à Bordeaux, gros, j'espère te capter. Y'a pas de soucis, frère. Hésite pas à aller checker le son Avenger. Il faut sauver le rap français. Je répète, y'a qui? Y'a All Carry, Django Jack au refrain, Nak Mendoza, SP, Demon One, Sam Coloquent, Batso le frère et R.O.P.S. Bordeaux, on est Al. Faut aller check ça sur Les Anyens, sur YouTube, on est là, Avenger, il faut sauver le rap français, hey. Big up, merci à toi, Robs. Merci, frère. Ciao. Passe une bonne soirée. Il était bien chaud, Robs. J'aime les mecs qu'on la dalle, comme ouais, ça. Moi aussi, j'aime bien. Hein, tu vois, les gars, ils sont affamés. Trop fort. On fait quoi? On fait le live maintenant, mais on a perdu Lino. Ou on met l'appeler. État sauvage d'abord, non? Je voulais mettre État sauvage. Mais État sauvage et on fait le live juste après. Allez, ouais, État voilà, sauvage. C'est parfait. Parfait, on est dans le timing. Voilà. C'est extrait d'album état... marqué à vie. Voilà, État sauvage. Deuxième titre de l'album que j'ai balancé. Sur une prod de Stan E Music. Voilà, Stan E Music. Vrai rap français, gros. L'album, il est dans les bacs depuis hier. Je vous invite à aller le pécho, à aller l'écouter. Et surtout, le 20 mars à la boule noire. Je vous invite à venir me voir sur scène. C'est du très loin. Gros. C'est du vrai rap français, ça, ma gueule. Fais pas semblant, nous. Tes yeux pour pleurer, une joue ardente, liberté envolée. Tu les as laissés la prendre. Je vais grogner, cogner. Mon cul n'est pas à fond, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. Tes yeux pour pleurer, une joue ardente, liberté envolée. Tu les as laissés la prendre. Je vais grogner, cogner. Mon cul n'est pas à fond, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. La mer tourne en boucle, la pilule, tu l'as gobée. Grand chose à foutre les soucis au fond d'un gobelet. Et on bat ses moutes, même ta tour est démodée. Tu crois que c'est lourd, mais y'a que ta connerie qui est enrobée. Tu voudrais qu'on t'écoute, mais tu parles à des drogués. Le diable sème le doute, y'a de la violence à imploder. Et ils viennent en train pour coder. Y'a les chouf en douce, comme de la gélatine de porc dans la bouffe. Mon sauce, on l'est, vu qu'on se tape sur l'épaule de la cour d'école. En passant par le hall, la tôle ouvre des réseaux parallèles sur Paname. Ils sont trop jeunes pour le halal, mais y'a pas d'âge pour le halal. C'est ou Colal, tout est hardcore, ça devient banal, ça vend la mort. Mais à part ça, ça mange halal. Qui n'aime pas l'oseille et les faux cul mes cœurs, que mes mots ne touchent pas tes oreilles, mais te transperce le cœur. Tes yeux pour pleurer, une joue attendre, liberté envolée. Tu les as laissés la prendre, je vais grogner, cogner. Mon cul n'est pas à vendre, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. Tes yeux pour pleurer, une joue attendre, liberté envolée. Tu les as laissés la prendre, je vais grogner, cogner. Tu n'es pas à vendre, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. Lourds sont les balanches, respect est obligatoire. Quatre portables dans la sacoche, sous commission rogatoire. Les murs ont des oreilles, commissaire veut tout savoir. Parfois les potes de la veille auraient besoin d'un bavoir. Les parents désespèrent, les condés sont détestés. La virginité espère aussi souvent le respect. Faut que tes belles promesses, je me débrouille moi-même. La seule fin heureuse que je connais, c'est la fin de la semaine. Et nique sa race, j'ai plus le temps d'être biche. Je prends de la place comme une liasse. On pille et 10 et je range mes sourires. J'apprends à être triste, à croire que t'es obligé de chialer quand t'es un artiste. Et l'amour du risque, faire du hors-piste, les yeux bandés. Ce qui consiste à sortir un disque en indé et se blinder face à l'ennemi. Et pas là pour manger, arrêter de glander. Pour l'appel à la prière, y'a personne, c'est con. Quand Nabil a dit allô, y'a tout le monde qui répond. À l'école de la rue, ils n'ont que des mauvais professeurs. Y'a que l'oseille et les culs qui servent d'antidépresseurs. On s'en sort comme on peut, la drogue dans du cello. Vaut mieux récup ton fils au comico. Ta fille au télo, et l'album c'est marqué à vie. Il est dans les bacs, mon gros. Faut pas pour mieux te la parler le talent. Des yeux pour pleurer, une joue à tente. Liberté envolée, tu les as laissé la prendre. Je vais grogner, cogner. Mon cul n'est pas à fond, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. Des yeux pour pleurer, une joue à tente. Liberté envolée, tu les as laissé la prendre. Je vais grogner, grogner. Mon cul n'est pas à fond, désolé. Et je vais pas m'immoler pour me faire entendre. Si, si. 9-5 représentant. Et là, je te message, gros. Merci pour le soutien, merci pour la force. L'album, il est dans les bacs. L'album est lourd, ma gueule. On arrive le 20 mars à la boule noire. Gros, gros, gros concert avec des gros guests. Dédicace à monsieur Aketo qui m'écoute. Dédicace à tous ceux qui sont dans le studio soir ce. Et faites-moi un petit peu de bruit là ce soir. Place au vrai rap, c'est franc, gros. Merci à ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui ont pêché l'album. Et on lâche pas, on a trop la dalle pour ça. Tunisiano, notre invité avec l'album marqué à vie qui est dans les bacs depuis hier, qu'on peut télécharger aussi légalement. Ouais, bah oui. Allez cliquer pour le récupérer. Sur iTunes, sur les plateformes de téléchargement légal, quoi. Marqué à vie. N'hésitez pas. Et là maintenant, il est grand temps de passer au live. Lino est live. On va passer aux choses sérieuses, gros. Il a envie de rapper, il a envie de kicker. Oh, je m'impatiente pas. C'est un kicker, gros. C'est un Val d'Oiseur, mais c'est un kicker avant tout. Il sera encore là la semaine prochaine. Bref, toutes les semaines, vous allez retrouver jusqu'au mois de septembre. 9-5. Il va venir chaque semaine, Lino. Hein? C'est pas de ma faute. Allez, on y va pour le live maintenant. C'est parti, ma gueule. Yeah. Val de Zouave. Yeah. Attends, on va tester ça. Vas-y, on va balancer. Attends, on va monter le son. Allez, mec, y a du monde dans le studio un petit peu ou pas? Un petit peu. Ok, on va représenter un petit peu. 900. On va entendre dehors. On va tester. Ok, zone hyperactive comme si j'avais bu 12 cafés. Je me fais rare comme un com positif sur 12 cafés. Je vis à l'écart pendant que c'est que les bars ne font que taper. Couche tard, va savoir pourquoi ils veulent tous rapper. Grand trafiquant, les narines pleines de perles à papa. Côté déviant, sont stupéfiants en tant qu'un cycliste italien. Je parle pour les miens, j'ai l'âme du compétiteur. Des rappeurs crèveraient pour être entêté sur Twitter. Ray, allez viens, frérot, je te mets bien. Depuis l'enfant, je crée des cars, choquer la France. 95 Nectar. Ces chiens sont tricards ou minables. Toutes leurs conneries m'indiffèrent, inimitables. Même où il a expérié des fers. J'ai le diable dans le corps, je suis défoncé, Jésus c'est le pilote. Dans un quad match, chambre rap français a oublié sa culotte. J'accélère loin des négros vrais comme le cul à Niki. J'entends tu sors un disque à des features et mec à Niki. Sors pas du ring, du liquide dans le sang sur le game jury. Y'a rien dansant, Dieu est seul juge, c'est ça mais le même jury. Personne ne bouge, des fourrailles secs comme au premier geste brûle. Dans ma secte on fait dans le chocolat quand tu viens de rouge. C'est vrai les noirs, les arabes sont trafiquants pour la plus bas. Et clé du trou, les fourniers sont blancs pour la plupart. Et on fait quoi une fois qu'on a dit ça au peuple lyrique? Je te nique avec l'accent de l'autre côté du périphérique. Mille fois, tenter de me faire comprendre par ces gens. Ces petits bourgeois n'ont jamais arpenté d'endroits indécents. Et je suis courtois, pas de ceux qu'on fait leur classe en léchant. Froid et sourd, moi je les fais chier. Attends, je vais t'apprendre à défendre ma vérité et boycotter comme Cassius Clay ou Farrakhan. Ta liberté localisée sur une petite île à Manhattan. Rêver de se fondre dans la masse intégrée. T'as fait tel un sucre dans la tasse, mais la France c'est pas un café. Le cercueil fait de la déco, ça vient de Villiers-le-Bel, toutes les villes à déco. Plus fois mondaine, je traîne dans des tripots. Gros, qu'ils me craignent, qu'ils me saignent et m'appellent amigo. Vol de soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi. Et vol de soi, soi, soi, soi, soi, soi. Et vol de soi, soi, soi, soi, soi. Je vais tout baiser en tant qu'artiste. J'ai la dalle, donc j'ai connu l'avant-gardiste. Depuis que mon dentiste m'a limé les canines, je rentre en piste, pas pour les épater. Les clowns est triste, donc je vais les taper. Les poteaux me manquent de poteaux, mais bon, parti trop tôt. Je pense à Roger, même si t'es vide, je te joue de la flûte, je te laisse sous mes pieds. Non, je traite pas ta mère de pute, parce qu'il y a pas de sous-métier. Non, y'a pas de sous-métier. Non, y'a pas de sous-métier. Donne pas ton frère au stup, c'est la haine tout l'été. Val de soie avec raseur, pute, le beat brûle des voiles de âmes. Brosse 9-400 litres en à la pesée. Moins de 230 qu'il tunisiano, ça doit peser. Vivier le bastos, deuil la bombe. Appelé à la barre, musique à pompe. Où est le matos, tricard même sans la barre. Violon, schmitt et alcool brun. Chez nous c'est le terroir. Parfois la dalle a pris en Heinzirbet et Walter White. La face cachée, iceberg, c'est pas du freestyle, mais des coms attachés à ma cam, un genre de cristal, mais le rock a perdu ses couilles, le rap a changé de sexe. Allez tous au bois, suivez le conseil à six coups. On accès, prime time, tu me verras pas kicker, je me mêle. Pas à leur foule, autant voir le président du crime faire une quenelle. À la foule, j'ai laissé le sourire, la DN sur la scène du crime. Je fais la musique du diable, pété au sang du Christ. Que des buzz prématurés, plein de carrières dans les couveuses. T'es un crash test, et un go fast, ta zig fait l'ouvreuse. Trop de fans, je suis un peu dexter, j'ai que des putes sanglants. Y'a moins de fans que des experts suceuses. Un avenir incertain, impuissant je constate. Sur les propos à Guerlain, je me libère la prostate. Loin de place Vendôme, de l'avenir à Robstack. Maître de mon royaume, le roi d'un château de cartes. Je vais faire un peu de promo, franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo si tu veux un semblant de carrière. D'ailleurs, parle plus de rien à l'heure où les lobbies nous font mentir. Repli communautaire nous a montré que l'on ne peut plus rien. La mort est soudaine, le cercueil fait de la déco. Ça vient de Villiers-le-Bel, toutes les villes à déco. Leur soirée mondaine, je traîne dans des tripots. Prêt, qu'ils me craignent, qu'ils me saignent et m'appellent amigo. Vol de soi, soi, soi, soi, soi, soi. Et vol de soi, soi, soi, soi, soi. Et vol de soi, soi, soi, soi, soi, soi. Et vol de soi, soi, soi, soi, soi. Et 9-5 et l'appartenance. Et 5 me faire taire, tu vas faire comment? Dans le rap, je c'est le débarquement. Respiratoire et l'assistance, la colère à un département. Et 9-5 et l'appartenance. Et 5 si, si, si, si, ma gueule. En live à l'instant, le Val de Zouave. Si, si, mon gros. Avec Tunisiano, avec nous. C'est la première fois que vous faites en live celui-ci. Ouais, c'est la première fois qu'on le fait en live. Game Chaudron. Donc voilà. En plus, à savoir, on vient de le clipper. Le clip, il va arriver dans très peu de temps aussi. Donc on vous lâche pas. Tu vois, il y a plein de surprises qui vont arriver aussi. Donc le clip, il devrait arriver dans ici très peu de temps. Et puis voilà. On va guetter ça. Il y a Pluto qui a laissé un message. Voilà, c'est ça. C'est Pluto qui a lancé un petit message, une petite photo. Ah, bien plutôt, bon. Ah ouais, magnifique, ça l'a inspiré le morceau de Val de Zouave. Ah. Ça l'a inspiré. Bon, bah lourd. Bon, on fait tourner la roulette et puis on se dit au revoir juste après, c'est parti. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Allo Sarah du Plessis Trévis, ça va bien? Allo. Ça va Sarah? Salut, comment ça va l'équipe? Bah, je te présente Tunisiano, Yalino qui est là aussi. Salut Tunisiano, la pêche ou quoi? On vient de t'écouter, tu nous as trop bien. Ouais, merci, quoi, je suis pas là, moi. Merci. Eh, Sarah, est-ce que. J'existe pas, moi. Eh, Sarah, est-ce que t'as pêché sur l'album? Je suis là ou pas? Non, mais attends, dis-moi la vérité. Elle a dit, elle va aller le chercher. Ah, ok, parce qu'il y a trop de bruit, j'entends mal. Il y a un mec qui est bourré qui est en train de taper à ma fenêtre et qui est allongé sur mon capot. Fais-lui écouter la voix. Mets-lui un morceau de l'album de Tunisiano, il va partir en courant. J'ai pas le temps. T'es fou, il va danser sur ta voiture. Ouais, il va danser sur la voiture. Non, mais il y a un mec sur ta bagnole, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Sarah? Ouais, bah écoute, je sais pas, ça fait une demi-heure qu'il est allongé sur ma bagnole et moi je suis tombé en panne, donc il en profite, il danse devant nous. Le mec, il pourrait pas t'aider? Merdouille. Bon, Sarah, non, il s'est flippé. Vas-y, fais-lui un gros stop. Ferme les portières et fais un gros stop. Attention les filles. T'es où en panne? T'es vers où? Je suis à Ponto. À Ponto Combo, bah s'il y a quelqu'un qui peut revenir. Ah bah voilà, il y a des gens qui vont venir, on t'envoie des dépanneurs. Ils sont 25. Tiens. Bah ça va, t'es pas toute seule, à mon avis le mec était sur le capot, il est parti. Ah là là là. Sarah. Eh, on m'annonce que tu viens de gagner une dépanneuse. Ouais. Une dépanneuse, elle va venir te chercher là où la dépanneuse arrive du côté de la gare de Ponto Combo. Sarah. Mais avant ça, t'auras aussi deux places pour aller voir Stromae au concert, c'est pour toi. Formidable. Ah ouais. Oh, calme-toi. Ça c'est de la joie ça. Oh la vache. Et c'est pas vrai. Mais... C'était une blague. Eh non, c'était une blague. Mais non, c'est vrai, on t'envoie ça. Deux on t'envoie ça rapidement, deux places. Et pour la dépanneuse, écoute, si tu vois 25 mecs arriver, c'est nos potes du studio. Sinon, bon courage, Sarah. Oh, y'a pas de soucis. Hey, je peux faire une big dédicace. Vas-y. Hey, je fais une big dédicace à mon bébé d'amour, à Patricio, qui est à Carrefour en ce moment, en train de charbonner à fond. Dis-lui d'acheter l'album aussi à Carrefour. Ouais, Carrefour, il peut trouver l'album. Il peut te le ramener pour ce soir, l'album. Il est à Carrefour. Il est en train de venir me l'acheter, sinon c'est mort. Et là, je fais une petite dédicace à tout le Plessis, à la cité de la joie. Cité de la joie. Et bah la joie, regarde, c'est pour ça, et ça rend heureux. Une dédicace au mec sur le capot. Et bah c'est... M'écoute. Et puis bon courage pour rentrer à la maison, parce que si t'es en panne et soulever le mec qui est sur le capot, ça va être compliqué, il y a beaucoup de trucs à faire. Pas de soucis, donc si jamais il y a quelqu'un à Ponto qui peut venir me tracter jusqu'au Plessis, je suis coincée à côté de l'Indien qui fait les sandwichs trop stylés. Avec un mec bourré. Un mec qui est allongé sur une bagnole, vous pouvez pas la louper. C'est un poteau à moi, il est dans le coin. Après Zekil, il va gérer l'affaire. Bon, tu fais un bisou, bon courage Sarah, on te met en connexion avec 2-3 dépanneurs. Et on t'envoie un CD au pire, Sarah, comme ça t'es bien. Oui, comme ça tu peux rester une semaine. Tu peux patienter en musique tranquille avec le mec sur le capot. Hein, on t'envoie l'album marqué à vie. Merci beaucoup, en tout cas, vous déchirez, merci beaucoup. Bisous Sarah. Oui, vous mentez en fait. Non, je te jure, c'est business. Mais je te jure que c'est vrai, il y a un mec qui a allongé sur le capot. Tu vas remorquer la voiture, mais ça n'a rien à voir. C'est pas grave. Pour une fois qu'un mec qui a allongé sur le capot quand même, tu crois, t'as du mal à le croire. C'est vrai que c'est une histoire de fou. C'est un truc de fou. Bon, merci Lino d'être passé dans le Planète Rap Tunisiano. Merci aussi pour ce Planète Rap. Bah merci en tout cas Bors. Merci gros pour le titre. On est là. On t'attend la semaine prochaine. J'attends le chèque. Pour la participation. J'attends le chèque et parfait. C'est Skyrock qui va te faire un gros queue, je crois. Non, c'est pas Skyrock qui paye. Je sais qu'il paye. Il est pas loin de moi. Le mec qui paye est pas loin de moi. Ah bah c'est bien, tu l'as trouvé. Il est à deux bras de moi. Ah, il est pas loin. Ah ouais, à deux bras. C'est vraiment pas grand chose. Grave. On peut régler ça. Merci. Demain de retour. Ouais, moi franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui envoient des messages. Merci. Hein. Franchement, je les vois défiler. Franchement, vous me donnez beaucoup de force. Ça me fait vraiment plaisir. Continuez à balancer vos messages. Continuez à soutenir l'album. L'album, il s'est marqué à vie. Il est toujours dans les bacs. Et en tout cas, il est dans les bacs depuis hier. Merci de me donner autant d'amour. Et puis, dédicace à tous les mecs qui sont dans le studio. Faites un petit peu de bruit, les gars. Ouais, c'est pas gros. Et voilà quoi. 9-4. Donc voilà. Et ben merci à vous tous, on va retrouver 10 foules maintenant. Merci Tunisiano, merci Fredo, merci Lino, merci tout le monde. Il y a du monde ce soir encore. On est en équipe. Et ouais, l'album est sorti et il est à découvrir dans Planète Rap tous les soirs, 20h, 21h, l'album de Tunisiano. Le grand retour, on sera là demain juste avant 20h et puis nous on revient dans 30 secondes sur Skyrock en direct avec vous tous, vous toutes de toute la France. La radio libre, c'est parti. 30 secondes et on arrive avec Eminem et Rihanna. Attends, salut Lino. J'envoie le décompte. Attention, le décompte. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, allez, allez. À tout de suite.